Voyage d'amour, première partie, chapitre 3. Chaque mardi, Hélène avait à dîner M. Rambaud et l'abbé Jouve. C'était eux qui, dans les premiers temps de son veuvage, avaient forcé sa porte et mis leur couvert, avec un sans-gêne amical, pour l'attirer au moins une fois par semaine de la solitude où elle vivait. Puis, ces dîners du mardi étaient devenus une véritable institution. Les convives s'y retrouvaient, comme à un devoir, juste à 7 heures sonnant, avec la même joie tranquille. Ce mardi-là, Hélène, assise près d'une fenêtre, travaillait à un ouvrage de couture, profitant des dernières lueurs du crépuscule, en attendant ses invités. Elle vivait là, ses journées, dans une paix très douce. Et sur ses hauteurs, les bruits se mouraient. Elle aimait cette vaste chambre si calme, avec son luxe bourgeois, son palissandre et son velours bleu. Lorsque ses amis l'avaient installée, sans qu'elle s'occupât de rien, elle avait un peu souffert, les premières semaines, de ce gros luxe où M. Rambaud venait d'épuiser son idéal d'art et de confort, à la vive admiration de l'abbé qui s'était récusé. Mais elle finissait par être très heureuse dans ce milieu, en le sentant solide et simple, comme son cœur. Les rideaux lourds, les meubles sombres et cossus, ajoutaient à sa tranquillité. La seule récréation qu'elle prit pendant ses longues heures de travail était de donner un regard au vaste horizon, au grand Paris qui déroulait devant elle la mer houleuse de ses toitures. Son coin de solitude ouvrait sur cette immensité. « Maman, je ne vois plus clair !» dit Jeanne, assise près d'elle sur une chaise basse. Et elle laissa tomber son ouvrage, regardant Paris que de grandes ombres noyaient. D'ordinaire, elle était peu bruyante. Il fallait que sa mère se fâchât pour la décider à sortir. Sur l'ordre formel du docteur Baudin, elle l'emmenait pendant 2 heures chaque jour au bois de Boulogne. Et c'était là leur unique promenade. Elle n'était pas descendue 3 fois dans Paris en 18 mois. Nulle part l'enfant ne semblait plus gai que dans la grande chambre bleue. Hélène avait dû renoncer à lui faire apprendre la musique. Un orgue jouant dans le silence du quartier la laissait tremblante, les yeux humides. Elle aidait sa mère à coudre des layettes pour les pauvres de l'abbé Jouve. La nuit était complètement venue, lorsque Rosalie entra avec une lampe. Elle paraissait toute retournée dans son coup de feu de cuisinière. Le dîner du mardi était le seul événement de la semaine qui mettait en l'air la maison. « Ces messieurs ne viennent donc pas ce soir, madame ? » demanda-t-elle. Hélène regarda la pendule. « Il est 7h15, ils vont arriver. » Rosalie était un cadeau de l'abbé Jouve. Il l'avait prise à la gare d'Orléans le jour où elle débarquait, de façon qu'elle ne connaissait pas un pavé de Paris. C'était un ancien condisciple de séminaire, le curé d'un village beauceron, qui la lui avait envoyée. Elle était courte, grasse, la figure ronde sous son étroit bonnet, les cheveux noirs et durs, avec un nez écrasé et une bouche rouge. Et elle triomphait dans les petits plats, car elle avait grandi au presbytère, avec sa marraine, la servante du curé. « Ah, voilà M. Rambaud !» dit-elle en allant ouvrir, avant qu'on eût sonné. M. Rambaud, grand, carré, montra sa large figure de notaire de province. Ses 45 ans étaient déjà tout gris, mais ses gros yeux bleus gardaient l'air étonné, naïf et doux d'un enfant. « Et voilà, monsieur l'abbé, tout notre monde y est !» reprit Rosalie en ouvrant de nouveau la porte. Pendant que M. Rambaud, après avoir serré la main d'Hélène, s'asseyait sans parler, souriant en homme qui est chez lui, Jeanne s'était jetée au cou de l'abbé. « Bonjour, bon ami » dit-elle. « J'ai été bien malade !»« Bien malade, ma chérie !» Les deux hommes s'inquiétèrent. L'abbé surtout, un petit homme sec, avec une grosse tête, sans grâce, habillé à la diable, et dont les yeux à demi fermés s'agrandirent et s'emplirent d'une belle lumière de tendresse. Jeanne, lui laissant une de ses mains, avait donné l'autre à Monsieur Rambaud. Tous deux la tenaient et la couvaient de leurs regards anxieux. Il fallut qu'Hélène racontât la crise. L'abbé faillit se fâcher parce qu'elle ne l'avait pas prévenue. Et il la questionnait. Au moins, c'était bien fini. L'enfant n'avait plus rien eu. La mère souriait. Vous l'aimez plus que moi. Vous finirez par m'effrayer, dit-elle. Non, elle n'a plus rien ressenti. Quelques douleurs dans les membres seulement, avec des pesanteurs de tête. Mais nous allons combattre tout ça énergiquement. Madame est servie, vint annoncer la bonne. La salle à manger était meublée en acajou. Une table, un buffet et 8 chaises. Rosalie alla tirer les rideaux de reps rouge. Une suspension très simple, une lampe de porcelaine blanche dans un cercle de cuivre, éclairait le couvert, les assiettes symétriques et le potage qui fumait. Chaque mardi, le dîner ramenait les mêmes conversations. Mais ce jour-là, on causa naturellement du docteur de Berle. L'abbé Jouve en fit un grand éloge, bien que le docteur ne fût guère dévot. Il le citait comme un homme d'un caractère droit, d'un cœur charitable, très bon père et très bon mari, donnant enfin les meilleurs exemples. Quant à Madame de Berle, elle était excellente, malgré les allures un peu vives qu'elle devait à sa singulière éducation parisienne. En un mot, un ménage charmant. Hélène parut heureuse. Elle avait jugé le ménage ainsi, et ce que lui disait l'abbé l'engageait à continuer des relations, qui l'effrayaient un peu d'abord. Vous vous enfermez trop, déclara le prêtre. Sans doute, appuya M. Rambaud. Hélène les regardait avec son calme sourire, comme pour leur dire qu'il lui suffisait et qu'elle redoutait toute amitié nouvelle. Mais 10 heures sonnèrent. L'abbé et son frère prirent leur chapeau. Jeanne venait de s'endormir sur un fauteuil dans la chambre. Ils se penchèrent un instant, hochèrent la tête d'un air satisfait en voyant la paix de son sommeil. Puis, ils partirent sur la pointe des pieds et, dans l'antichambre, baissant la voix, « À mardi !»« J'oubliais !» murmura l'abbé qui remonta de marche. « La mère fêtue est malade. Vous devriez aller la voir. » « J'irai demain, » répondit Hélène. L'abbé l'envoyait volontiers chez ses pauvres. Ils avaient ensemble toutes sortes de conversations à voix basse, des affaires à eux, sur lesquelles ils s'entendaient à demi-mot, et dont ils ne parlaient jamais devant le monde. Le lendemain, Hélène sortit seule. Elle évitait d'emmener Jeanne, depuis que l'enfant était resté 2 jours frissonnante au retour d'une visite de charité chez un vieillard paralytique. Dehors, elle suivit la rue Vineuse, prit la rue Raynoire et s'engagea dans le passage des Eaux, un étrange escalier étranglé entre les murs des jardins voisins, une ruelle escarpée qui descend sur le quai des hauteurs de Passy. Au bas de cette pente, dans une maison délabrée, la mère fêtue habitait une mansarde éclairée par une lucarne ronde et qu'un misérable lit, une table boiteuse et une chaise dépaillée emplissait. Ah, ma bonne dame, ma bonne dame, se mit-elle à geindre lorsqu'elle vit entrer Hélène. La mère fêtue était couchée, toute ronde malgré sa misère, comme enflée et la face bouffie, elle ramenait de ses mains gourdes le lambeau de drap qui la couvrait. Elle avait de petits yeux fins, une voix pleurarde, une humilité bruyante qu'elle traduisait par un flot de paroles. Ah, ma bonne dame, je vous remercie. Oh là là, que je souffre. C'est comme si des chiens me mangeaient le côté. Oh, bien sûr, j'ai une bête dans le ventre. Tenez, c'est là, vous voyez. La peau n'est pas entamée, le mal est dedans. Oh là là, ça ne cesse pas depuis 2 jours. S'il est possible, bon Dieu, de tant souffrir. Ah, ma bonne dame, merci. Vous n'oubliez pas le pauvre monde. Ça vous sera compté. Oui, ça vous sera compté. Hélène s'était assise. Puis, apercevant un pot de tisane fumant sur la table, elle emplit une tasse qui était à côté et la tendit à la malade. Près du pot, il y avait un paquet de sucre, deux oranges, d'autres douceurs. « On est venu vous voir ?» demanda-t-elle. « Oui, oui, une petite dame. Mais ça ne sait pas, ce n'est pas du tout ça qu'il me faudrait. Ah, si j'avais un peu de viande, la voisine mettrait le pot au feu. Là, là, ça me pince plus fort. Vrai, on dirait un chien. Ah, si j'avais un peu de bouillon. » Et malgré les souffrances qui la tordaient, elle suivait de ses yeux fins Hélène, occupée à fouiller dans sa poche. Quand elle lui vit poser sur la table une pièce de 10 francs, elle se lamenta davantage, avec des efforts pour s'asseoir. Tout en se débattant, elle allongea le bras, la pièce disparut pendant qu'elle répétait « Mon Dieu, c'est encore une crise! Non, je ne puis plus durer comme ça! Dieu vous le rendra, ma bonne dame, je lui dirai qu'il vous le rende. Tenez, ce sont des élancements qui me traversent tout le corps. Monsieur l'abbé m'avait bien promis que vous viendriez. Il n'y a que vous pour savoir faire. Je vais acheter un peu de viande. Voilà que ça me descend dans les cuisses. Aidez-moi, je ne peux plus, je ne peux plus. » Elle voulait se retourner. Hélène retira ses gants, la saisit le plus doucement possible et la recoucha. Comme elle était encore penchée, la porte s'ouvrit et elle fut si surprise de voir entrer le docteur de Berle qu'une rougeur monta à ses joues. Lui aussi avait donc des visites dont il ne parlait pas. « C'est monsieur le médecin, » bégayait la vieille. « Vous êtes tous deux bien bons. Que le ciel vous bénisse tous. » Le docteur avait salué discrètement Hélène. La mère fêtue, depuis qu'il était entré, ne geignait plus si fort. Elle gardait seulement une petite plainte sifflante et continue d'enfant qui souffre. Elle avait bien vu que la bonne dame et le docteur se connaissaient, et elle ne les quittait plus du regard, allant de l'un à l'autre, avec un sourd travail dans les 1000 rides de son visage. Le docteur lui posa quelques questions, percuta le côté droit. Puis, se tournant vers Hélène qui venait de se rasseoir, il murmura « Ce sont des coliques hépatiques. Elle sera sur pied dans quelques jours. » Et, déchirant une page de son carnet sur laquelle il avait écrit quelques lignes, il dit à la mère fêtue « Tenez, vous ferez porter cela chez le pharmacien de la rue de Passy, et vous prendrez toutes les 2 heures une cuillerée de la potion qu'on vous donnera. » Alors, de nouveau, elle éclata en bénédiction. Hélène restait assise, le docteur parut s'attarder, la regardant, lorsque leurs yeux se rencontraient. Puis, il salua et se retira le premier, par discrétion. Il n'avait pas descendu un étage que la mère fêtue reprenait ses gémissements. « Ah, oh, quel brave médecin! Pourvu que son remède me fasse quelque chose! J'aurais dû écraser de la chandelle avec des pissenlits, ça ôte l'eau qui est dans le corps. Ah, vous pouvez dire que vous connaissez là un brave médecin. Vous le connaissez peut-être bien depuis longtemps? Mon Dieu, que j'ai soif, j'ai le feu dans le sang. Il est marié, n'est-ce pas? Il mérite bien d'avoir une bonne femme et de beaux enfants. Enfin, ça fait plaisir de voir que les braves gens se connaissent. » Hélène s'était levée pour lui donner à boire. « Eh bien, au revoir, mère fêtue, » dit-elle. « À demain. » « C'est cela que vous êtes bonne. Si j'avais seulement un peu de linge, voyez, ma chemise, elle est en deux. Je suis couchée sur un fumier. Ça ne fait rien. Le bon Dieu vous rendra tout ça. » Le lendemain, lorsqu'Hélène arriva, le docteur de Berle était chez la mère fêtue. Assis sur la chaise, il rédigeait une ordonnance, pendant que la vieille femme parlait avec sa volubilité larmoyante. « Maintenant, monsieur, c'est comme un plomb. Pour sûr, j'ai du plomb dans le côté. Ça pèse 100 livres, je ne peux pas me retourner. » Mais quand elle aperçut Hélène, elle ne s'arrêta plus. « Ah, c'est la bonne dame. Je le disais bien à ce cher monsieur. Elle viendra. Le ciel tomberait qu'elle viendrait tout de même. une vraie sainte, un ange du paradis. Et belle, si belle qu'on se mettrait à genoux dans les rues pour la voir passer. Ma bonne dame, ça ne va pas mieux. À cette heure, j'ai un plomb, là. Oui, je lui ai raconté tout ce que vous faisiez pour moi. L'empereur ne fait pas davantage. Ah, il faudrait être bien méchant pour ne pas vous aimer. Bien méchant. Pendant qu'elle lâchait ses phrases, en roulant la tête sur le traversin, ses petits yeux à demi-clos, le docteur souriait à Hélène, qui restait très gênée. « Mère fêtue, murmura-t-elle, je vous apportais un peu de linge. « Merci, merci, Dieu vous le rendra. C'est comme ce cher monsieur, il fait plus de bien au pauvre monde que tous les gens dont c'est le métier. Vous ne savez pas qu'il m'a soigné pendant 4 mois, et des médicaments, et du bouillon, et du vin. On n'en trouve pas beaucoup des riches comme ça, si honnêtes avec un chacun. Encore un ange du bon Dieu. Oh là là, c'est une vraie maison que j'ai dans le ventre. » À son tour, le docteur parut embarrassé. Il se leva, voulut donner sa chaise à Hélène, mais celle-ci, bien qu'elle fût venue avec le projet de passer là un quart d'heure, refusa en disant « Merci, monsieur, je suis très pressée. » Cependant, la mère fêtue, tout en continuant à rouler la tête, venait d'allonger le bras, et le paquet de linge avait disparu au fond du lit. Puis, elle continua. Ah, on peut bien dire que vous faites la paire. Je dis ça sans vouloir vous offenser, parce que c'est vrai. Qui a vu l'un a vu l'autre. Les braves gens se comprennent. Mon Dieu, donnez-moi la main que je me retourne. Oui, oui, ils se comprennent. Au revoir, mère fêtue, dit Hélène, qui laissa la place au docteur. Je ne crois pas que je passerai demain. Pourtant, elle monta encore le jour suivant. La vieille femme sommeillait. Dès qu'elle s'éveilla et qu'elle la reconnut, tout en noir, sur la chaise, elle cria. « Il est venu ! Vrai, je ne sais pas ce qu'il m'a fait prendre. Je suis raide comme un bâton. Ah, nous avons causé de vous. Il m'a demandé toutes sortes de choses. Et si vous aviez toujours la même figure ? C'est un homme si bon. » Elle avait ralenti la voix. Elle semblait attendre sur le visage d'Hélène l'effet de ses paroles, de cet air câlin et anxieux des pauvres qui veulent faire plaisir au monde. Sans doute, elle pensa voir, au front de la bonne dame, un pli de mécontentement, car sa grosse figure bouffie, tendue et allumée, s'éteignit tout d'un coup. Elle reprit en bégayant. « Je dors toujours. Je suis peut-être bien empoisonnée. Il y a une femme rue de l'Annonciation qu'un pharmacien a tuée en lui donnant une drogue pour une autre. » Hélène, ce jour-là, s'attarda près d'une demi-heure chez la mère fêtue, l'écoutant parler de la Normandie où elle était née et où l'on buvait de si bon lait. Après un silence, « Est-ce que vous connaissez le docteur depuis longtemps ?» demanda-t-elle négligemment. La vieille femme, allongée sur le dos, leva à demi les paupières et les referma. « Ah oui, par exemple, » répondit-elle à voix presque basse, « son père m'a soignée avant 48, et il l'accompagnait. » « On m'a dit que le père était un saint homme. » « Oui, oui, un peu braque. Le fils, voyez-vous, vaut encore mieux. » Quand il vous touche, on croirait des mains de velours. » Il y eut un nouveau silence. « Je vous conseille de faire tout ce qu'il vous dira, » reprit Hélène. « Il est très savant, il a sauvé ma fille. » « Bien sûr, » s'écria la mère fêtue qui s'animait. « On peut avoir confiance, il a ressuscité un petit garçon qu'on allait emporter. Oh, vous ne m'empêcherez pas de le dire, il n'y en a pas deux comme lui. » « J'ai la main chanceuse, je tombe sur la crème des honnêtes gens. Aussi, je remercie le bon Dieu tous les soirs. Je ne vous oublie ni l'un ni l'autre, allez, vous êtes ensemble dans mes prières. Que le bon Dieu vous protège et vous accorde tout ce que vous pouvez souhaiter, qu'il vous comble de ses trésors, qu'il vous garde une place dans son paradis. » Elle s'était soulevée, et, les mains jointes, elle semblait implorer le ciel avec une ferveur extraordinaire. Hélène la laissa longtemps aller ainsi, et même elle souriait. L'humilité bavarde de la vieille femme finissait par la bercer et l'assoupir d'une façon très douce. Lorsqu'elle partit, elle lui promit un bonnet et une robe pour le jour où elle se lèverait. Toute la semaine, Hélène s'occupa de la mère fêtue. La visite qu'elle lui faisait chaque après-midi entrait dans ses habitudes. Elle s'était surtout prise d'une singulière amitié pour le passage des eaux. Cette ruelle escarpée lui plaisait par sa fraîcheur et son silence, par son pavé toujours propre que lavait, les jours de pluie, un torrent coulant des hauteurs. Quand elle arrivait, elle avait d'en haut une étrange sensation en regardant s'enfoncer la pente raide du passage, le plus souvent désert, connu à peine de quelques habitants des rues voisines. Puis, elle se hasardait, elle entrait par une voûte, sous la maison qui borde la rue Raynouard, et elle descendait à petits pas les 7 étages de larges marches, le long desquelles passe le lit d'un ruisseau caillouté, occupant la moitié de l'étroit couloir. Les murs des jardins, à droite et à gauche, se renflaient, mangés d'une lèpre grise. Des arbres s'allongeaient leurs branches, des feuillages pleuvaient, un lierre jetait la draperie de son épais manteau. Et toutes ces verdures, qui ne laissaient voir que des coins bleus de ciel, faisaient un jour verdâtre très doux et très discret. Au milieu de la descente, elle s'arrêtait pour souffler, s'intéressant aux réverbères qui pendaient là, écoutant des rires dans les jardins, derrière des portes qu'elle n'avait jamais vues ouvertes. Parfois, une vieille montait, en s'aidant de la rampe de fer, noire et luisante, scellée à la muraille de droite. Une dame s'appuyait sur son ombrelle comme sur une canne. Une bande de gamins dégringolait en tapant leurs souliers. Mais presque toujours, elle restait seule. Et c'était un grand charme que cet escalier recueilli et ombragé, pareil à un chemin creux dans les forêts. En bas, elle levait les yeux. La vue de cette pente si raide où elle venait de se risquer lui donnait une légère peur. Chez la mère fêtue, elle entrait avec la fraîcheur et la paix du passage des eaux dans ses vêtements. Ce trou de misère et de douleur ne la blessait plus. Elle y agissait comme chez elle, ouvrant la lucarne ronde pour renouveler l'air, déplaçant la table lorsqu'elle la gênait. La nudité de ce grenier, les murs blanchis à la chaux, les meubles éclopés, la ramenait à une simplicité d'existence qu'elle avait parfois rêvée étant jeune fille. Mais ce qui la charmait surtout, c'était l'émotion attendrie dans laquelle elle vivait là. Son rôle de garde-malade, les continuelles lamentations de la vieille femme, tout ce qu'elle voyait et sentait autour d'elle, la laissait frissonnante d'une pitié immense. Elle avait fini par attendre, avec une visible impatience, la visite du docteur de Berle. Elle le questionnait sur l'état de la mère fêtue. Puis, ils causaient un instant d'autre chose, debout l'un près de l'autre, se regardant bien en face. Une intimité s'établissait entre eux. Ils s'étonnaient en découvrant qu'ils avaient des goûts semblables. Ils se comprenaient souvent sans ouvrir les lèvres, le cœur tout d'un coup noyé de la même charité débordante. Et rien n'était plus doux pour Hélène que cette sympathie, qui se nouait en dehors des cases ordinaires et à laquelle elle cédait sans résistance, tout amollie de pitié. Elle avait eu peur du docteur d'abord. Dans son salon, elle aurait gardé la froideur méfiante de sa nature. Mais là, il se trouvait loin du monde, partageant l'unique chaise, presque heureux de ces pauvres et laides choses qui les rapprochaient en les attendrissant. Au bout de la semaine, ils se connaissaient comme s'ils avaient vécu des années côte à côte. Le taudis de la mère fœtue s'emplissait de lumière dans cette communion de leur bonté. Cependant, la vieille femme se remettait bien lentement. Le docteur était surpris et l'accusait de se dorloter lorsqu'elle lui racontait que maintenant elle avait un plomb dans les jambes. Elle geignait toujours. Elle restait sur le dos, à rouler la tête. Et elle fermait les yeux, comme pour les laisser libres. Même un jour, elle parut s'endormir. Mais sous ses paupières, un coin de ses petits yeux noirs les guettait. Enfin, elle dut se lever. Le lendemain, Hélène lui apporta la robe et le bonnet qu'elle lui avait promis. Quand le docteur fut là, la vieille s'écria tout d'un coup. « Mon Dieu ! Et la voisine qui m'a dit de voir à son pot-au-feu ?» Elle sortit, elle tira la porte derrière elle, les laissant toutes deux seules. Ils continuèrent d'abord leur conversation sans s'apercevoir qu'ils étaient enfermés. Le docteur pressait Hélène de descendre parfois passer l'après-midi dans son jardin, rue Vineuse. « Ma femme, dit-il, doit vous rendre votre visite et elle vous renouvellera mon invitation. Cela ferait beaucoup de bien à votre fille. » « Mais je ne refuse pas, je ne demande pas qu'on vienne me chercher en grande cérémonie, » dit-elle en riant. « Seulement, j'ai peur d'être indiscrète. Enfin, nous verrons. » Ils causèrent encore. Puis le docteur s'étonna. « Où diable est-elle allée? Il y a un quart d'heure qu'elle est sortie pour ce pot-au-feu. » Hélène vit alors que la porte était fermée. Cela ne la blessa pas tout de suite. Elle parlait de Madame de Berle, dont elle faisait un vif éloge à son mari. Mais, comme le docteur tournait continuellement la tête du côté de la porte, elle finit par se sentir gênée. « C'est bien singulier qu'elle ne revienne pas, » murmura-t-elle à son tour. Leur conversation tomba. Hélène, ne sachant que faire, ouvrit la lucarne. Et quand elle se retourna, ils évitèrent de se regarder. Des rires d'enfants entraient par la lucarne, qui taillait une lune bleue très haut dans le ciel. Ils étaient bien seuls, cachés à tous les regards, n'ayant que cette trouée ronde qui les voyait. Les enfants se turent, au loin. Un silence frissonnant régna. Personne ne serait venu les chercher dans ce grenier perdu. Leur embarras grandissait. Hélène, alors, mécontente d'elle, regarda fixement le docteur. « Je suis accablée de visite, » dit-il aussitôt. « Puisqu'elle ne reparaît pas, je me sauve. » Et il s'en alla. Hélène s'était assise. La mère fêtue rentra immédiatement avec un flot de paroles. « Ah, je ne puis pas me traîner, j'ai eu une faiblesse. Il est donc parti, le cher monsieur ?»« Bien sûr, il n'y a pas de commodité ici. » Vous êtes tous les deux des anges du ciel, de passer votre temps avec une malheureuse comme moi. Mais le bon Dieu vous rendra tout ça. C'est descendu dans les pieds aujourd'hui. J'ai dû m'asseoir sur une marche, et je ne savais plus parce que vous ne faisiez pas de bruit. Enfin, je voudrais des chaises. Si j'avais seulement un fauteuil, mon matelas est bien mauvais. J'ai honte quand vous venez. « Toute la maison est à vous, et je me jetterai dans le feu s'il le fallait. Le bon Dieu le sait, je le lui dis assez souvent. Oh, mon Dieu, faites que le bon monsieur et la bonne dame soient satisfaits dans tous leurs désirs. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Hélène l'écoutait, et elle éprouvait une singulière gêne. Le visage bouffi de la mère fêtue l'inquiétait. Jamais non plus elle n'avait ressenti un pareil malaise dans l'étroite pièce. Elle en voyait la pauvreté sordide. Elle souffrait du manque d'air, de toutes les déchéances de la misère enfermée là. Elle se hâta de s'éloigner, blessée par les bénédictions dont la mère fêtue la poursuivait. Une autre tristesse l'attendait dans le passage des eaux. Au milieu de ce passage, à droite en descendant, se trouve dans le mur une sorte d'excavation, quelque puits abandonné, fermé par une grille. Depuis 2 jours, en passant, elle entendait, au fond de ce trou, les miaulements d'un chat. Comme elle montait, les miaulements recommencèrent, mais si lamentables qu'ils exhalaient une agonie. La pensée que la pauvre bête, jetée dans l'ancien puits, y mourait longuement de faim, brisa tout d'un coup le cœur d'Hélène. Elle pressa le pas, avec la pensée qu'elle n'oserait de longtemps se risquer le long de l'escalier, de peur d'y entendre ce miaulement de mort. Justement, on était au mardi. Le soir, à 7 heures, comme Hélène achevait une petite brassière, les deux coups de sonnette habituels retentirent, et Rosalie ouvrit la porte en disant « C'est monsieur l'abbé qui arrive le premier aujourd'hui. Ah, voici monsieur Rambeau. » Le dîner fut très gai. Jeanne allait mieux encore. Et les deux frères, qui la gâtaient, obtinrent qu'elle mangerait un peu de salade, qu'elle adorait, malgré la défense formelle du docteur Baudin. Puis, lorsqu'on passa dans la chambre, l'enfant, encouragé, se pendit au cou de sa mère en murmurant « Je t'en prie, petite mère, mène-moi demain avec toi chez la vieille femme. » Mais le prêtre et monsieur Rambeau furent les premiers à la gronder. On ne pouvait pas la mener chez les malheureux, puisqu'elle ne savait pas s'y conduire. La dernière fois, elle avait eu 2 évanouissements, et durant 3 jours, même pendant son sommeil, ses yeux gonflés ruisselaient. « Non, non, répéta-t-elle, je ne pleurerai pas, je le promets. » Alors, sa mère l'embrassa en disant « C'est inutile, ma chérie, la vieille femme se porte bien. Je ne sortirai plus, je resterai toute la journée avec toi. »